Le matin, devant mon miroir, je revois ce regard qui m'a ébloui. Et l'odeur de son parfum, jusqu'aujourd'hui, continue de me suivre. Comme si c'était hier que nous nous sommes rencontrés. Ibimba, oba soba djene lamba, na mene de mami samé na matara ni zeba. Inumba ya lambinda ya oidi ya ya bukemba diana ki yele nebi so di duga mene no. Là où se pose l'amour, la pire des choses devient une rose. C'était un homme petit, gros, laid, et avec une tête à claque comme celle d'un serpent singe. Mais le trouver adorable. Anantandi moe zombi a mo mu bangande. Nakiye moe amende si psemba mu le mam. Mounyola ni kaso e mumbi a mo mu bangizem. Ils auront vraiment tort, car je me moque de leur passé. Parlons de Pierre de Bafoussam. Mombo bangabe nakiye moye amende si semba mulema onyola nikaso e mumbi a mombo bangite. Ils auront vraiment tort, car je me moque de leur passé. Nate ça va chauffer avec tout ça. Ça va chauffer. Ça va chauffer avec tout ça. Avec tout ça, ça va chauffer. Alors malgré tout ça, où est le mouton attendiment? Et ben les nani wande na qui est notre chouchou. Malgré tout ça, où est le mouton à qui est notre? Ouais, ça va chauffer. Avec tout ça, ça va chauffer. Ouais, ça va chauffer. Avec tout ça, ça va chauffer. Tala, jamba yegefe. Eye mewo, eye tala. Tchau, tchau.